Chapitre 5e. Encore une fois, voici les hautes et noires murailles du monastère des franciscains de Crozon. Les portes sont grandes ouvertes, contre la coutume. Une cérémonie imposante se prépare. La foule pieuse des paysans bretons se presse sous les cintres des travées. Cependant, une voiture arrive. Il en descend deux personnes, un gentilhomme et une dame. Celle-ci veut en vain résister. Son compagnon, en l'entraînant vers l'église, lui dit à demi-voix: « Madame, pour l'honneur de votre nom. » « Eh bien, monsieur, répondit-elle, je consens vous suivre. Mais ce que vous m'avez annoncé est impossible, cela ne sera pas. Vous allez en juger. Et surtout rappelez-vous ces lignes que le vicomte m'a chargé moi-même de vous remettre. Oubliez le passé, ne songez plus qu'à payer, par un juste retour, une tendresse légitime. » La dame baissa la tête, toutes deux pénétrèrent dans l'église. C'était bien une fête solennelle, une joie parmi les religieux et parmi les anges. Une prise d'habit allait avoir lieu. La cérémonie s'accomplit avec sa pompe accoutumée. Agenouillé pendant tout le temps, le nouveau franciscain se leva sur l'ordre du père Baptiste. Visible alors pour la foule, il étendit la main et prononça la formule usitée. « Je, Enguerrand de Beauvilliers, en religion frère Augustin, vous et promets à Dieu Tout-Puissant, à la glorieuse Vierge Marie, à tous les saints et à vous, mon révérend Père, de garder toute ma vie les commandements de Dieu et la règle de pénitence du tiers-ordre de saint François, et de satisfaire, comme il conviendra, lorsque j'en serai requis par mes supérieurs, aux transgressions que je pourrais commettre contre cette troisième règle et contre les constitutions et statuts des frères du même ordre de l'étroite observance, vivant en obédience, sans propre et en chasteté. » Un cri terrible répondit à cette formule sacrée. On dut emporter la princesse évanouie. Frère Augustin tressaillit, mais il ne tourna pas même la tête, et son regard s'éleva vers le ciel avec la ferveur du néophyte. C'était Le Mousquetaire enlevé par Alfred des Essarts.